Bienvenue, vous êtes sur le podcast de Révolution et Liberté. Donc, c'est un podcast hors série qui va concerner un peu le débriefing de ces derniers jours, notamment suite à l'article que l'on a écrit sur Kenny Arcana. Et cela semblait intéressant de faire une propre autocritique afin d'avancer et de s'intéresser à la question de la liberté d'expression. En effet, la liberté d'expression, elle existe et elle est nécessaire. Mais dans cette liberté d'expression, il y a aussi le droit à la critique. Et le problème, c'est que nous vivons dans une société, disons-le clairement, qui est de plus en plus aseptisée. Et cela tend à créer des bulles communautaires. Et dans ces bulles, nous sommes dans l'entre-soi. Et du coup, lorsqu'il y a un élément ou un article qui va à l'encontre des valeurs que l'on présuppose, il y a ce que l'on pourrait appeler un effet de meute. Et cet effet de meute, il est vraiment troublant et dérangeant. Parce que l'article en question, il n'avait pas vocation à atteindre un trafic jusqu'à 10 000 ou 11 000 visites en une seule journée. En effet, le webzine, il est vraiment concentré sur la question de la lutte des classes et aussi sur la question de la lutte contre les théories conspirationnistes. Et notamment, nous nous positionnons dans une logique pro-vaccin et nous l'assumons totalement. Et du coup, on a édité une critique. Une critique, cela ne veut pas dire que l'on sous-entend que tout le monde doit avoir la même vision que nous. Au contraire, nous n'attendons pas que les personnes s'enracinent dans notre construction argumentative. Au contraire, on a voulu poser une critique pour émettre un débat, et dans ce débat, on a essayé de faire du mieux que l'on pouvait. Le problème, c'est que l'affolement des réseaux sociaux a totalement dégénéré. Du coup, on a créé un espace de démocratie pendant 48 heures en essayant de répondre aux commentaires. Puis, on a vu que que les commentaires n'allaient pas vraiment dans le cadre d'un véritable débat démocratique opposant différentes idées. Alors, je me suis posé la question fondamentale qui résidait dans le fait de à quoi bon répondre dans une logique d'élever le niveau. Parce que le débat démocratique, tel que je le conçois, s'inscrit dans une opposition d'idées. Alors, on a fait du mieux que l'on pouvait. On a laissé un espace de débat et de commentaires pendant 48 heures, mais suite à l'emballement des commentaires qui ont duré et qui se sont éternisés et que il y avait deux bulles finalement qui s'entrechoquaient, alors j'ai décidé de fermer les commentaires avec un message assez clair, mais cela n'a pas suffi. En effet, La question du droit à la critique s'inscrit dans une logique de la libre pensée. En effet, la libre pensée s'inscrit dans l'universalisme et dans le progrès. Il n'est pas question dans les faits d'attaquer la personne en tant qu'être physique. Mais on avait émis une idée et quelques annotations qui devaient rester au sein de notre bulle. Mais l'idée n'est pas venue de nous-mêmes. Si on en a produit l'article, c'est entre autres parce qu'on nous l'a souligné et on a vu le potentiel que cela pouvait apporter. Toutefois, je constate que la vision qui a été mise en avant sur le fait que nous soyons des moutons, que nous soyons pro-gouvernemental, que nous soyons tout ce que vous voulez, bah, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, le projet Révolution et Liberté, c'est tout de même près de 1000 articles, dont la quasi-totalité sont dans les archives. Et on peut dire que cela apporte quelque chose à notre projet. Donc, on a fermé le webzine, on pensait le fermer pendant 48 heures, afin de calmer le jeu, en se disant que on a compris le mécontentement de la bulle, et de ce fait, on avance et on se dit que on va laisser le tsunami passer, et lorsque la mer se retirera, alors nous pourrions avoir une existence comme tout le monde. Le problème, c'est que il existe un culte de la personnalité qui aboutit à des personnes à lancer des menaces de mort à travers des messages personnels. Donc, il y a un certain dérapage. Et cela se traduit par une distorsion fondamentale de la question du progrès. En effet, les personnes qui nous ont attaqués sur nos profils n'allaient pas vraiment dans l'idée constructif. Et c'était une idée que nous attaquions finalement une figure du mouvement alternatif. Ainsi, on peut dire que sous cette expérience, bah, finalement, on a quand même réussi à fermer le webzine. Et la fermeture de ce webzine, il va apporter quelque chose de vraiment positif, puisque on devait changer à la fin du mois l'ensemble du webzine, notamment au niveau des graphismes, au niveau du thème et au niveau du contenu, et s'attaquer à l'immense archive de près de 1000 articles. Et là, justement, on a le temps maintenant, vu qu'on a dépassé les 60 articles du mois, à l'heure où je réalise ce podcast, on est tout de même à 67 articles, si je ne me trompe pas, écrits en 2 mois. Donc, on est dans une surproduction par rapport à ce que l'on fait. Et de ce fait, cette idée d'aller vers la construction du projet et de gérer les archives, bah, ça va apporter du plus, quoi. c'est que nous sommes dans une logique où finalement, dans les déboires que l'on a eus, on va pouvoir prendre notre temps, on va pouvoir se poser et on va aller progressivement vers autre chose. Donc, on va laisser un petit interlude et ensuite on va reprendre la conversation. Et donc, après cette petite pause musicale, on va pouvoir s'attaquer aux archives de Révolution et Liberté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le mois de janvier, il était prévu à ce qu'on passe sous le CMS Drupal 8 afin de créer notamment un design plus élaboré et de changer un peu d'univers par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Le problème, c'est qu'on a eu une véritable mésaventure technique sous Drupal qui nous a fait sauter à deux reprises nos bases de données. Et du coup, le transfert des anciens articles vers Drupal 8, c'est pas fait comme on aurait voulu. Et du coup, cela a abouti à ce que l'on mette les archives dans un sous-domaine. Et de telle sorte à ce que on s'est dit que pour l'année 2021, on allait créer une nouvelle ligne éditoriale qui va se nommer Notre projet sur lequel nous travaillons dessus, qui a pour ambition de donner les lignes directrices du projet Révolution et Liberté. Et du coup, cela va nous permettre, entre autres, de travailler sur les archives. Mais comment on va pouvoir travailler sur ces archives? On va investir dans un module afin de créer une base de données afin que l'utilisateur puisse prendre conscience du travail qui a été accompli. En effet, l'article qui a buzzé, finalement, c'est un article parmi les milliers d'articles qui ont été écrits depuis 2012. Mais toutefois, on aurait des articles perdus qui ont été écrits en 2011. C'est-à-dire que cela fait presque 10 ans que nous sommes sur la toile et que nous publions des analyses plus ou moins rigoureuse. Et c'est vrai que l'on a des hauts et on a des bas. Et parfois on a des bad buzz, parfois on a des buzz. On n'est pas maître de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, il me semble que on a été vraiment assez professionnel dans la gestion de la crise, parce que on n'a pas d'expert en communication, Et aussi, le travail se développe, le projet grandit. Parce qu'actuellement, on a tout de même un logo qui a été entièrement travaillé par l'entreprise Visuel. Et ce logo, bah, finalement, il arrive en pleine tempête, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage, quoi. On aurait préféré le montrer dans un cadre idéal afin de permettre une description correcte de ce dernier. Et on aurait aimé aussi mettre en avant le travail qui a été réalisé derrière, parce que cela fait depuis 3 semaines à peu près, 3 4 semaines, que nous travaillons avec l'entreprise que j'ai citée afin d'avoir le meilleur rendu possible et que cela représente finalement le l'idéal communiste que nous défendons, mais aussi que cela représente le webzine. Donc on a eu des bannières aussi qui ont été mises en avant, que vous avez pu voir dans la newsletter notamment, même si il y avait quelques fautes d'orthographe concernant le nom de Rosa Luxembourg, mais ce n'est pas vraiment très important. Ce qui compte, c'est que nous progressons et nous évoluons vers quelque chose de positif. Alors, dans notre logo, on a gardé la couleur rouge et noir. Pour une raison simple, c'est que on s'inscrit dans une vision assez libertaire, assez d'un communisme qui va de bas vers le haut et pas de haut en bas. Un communisme qui est réglé par des assemblées générales. Un communisme qui n'est pas bureaucratique. Et du coup, on a choisi aussi l'emblème du marteau et de la faucille. Alors, je sais que cela peut paraître abstrait, notamment au vu des conséquences des régimes qui se sont revendiqués du communisme et qui ont créé des millions de morts. Donc on a réfléchi, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre le marteau et la faucille, sachant que il y a quand même un aspect plutôt sombre, hein, de ce que Trotsky appelait le capitalisme d'État. Et du coup, normalement, nous allons mettre en ligne la prochaine newsletter, sachant que nous avons mis un communiqué de presse écrit vraiment rapidement par rapport à la situation donnée, mais ce communiqué de presse, il intervient aussi dans le travail qui a été ré réalisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend notre temps. On prend notre temps et c'est vrai que on va s'attaquer maintenant à un autre format de nos articles. On est même en avance par rapport à la quantité d'articles que l'on s'est fixé actuellement. et on va s'attaquer à gérer plutôt la qualité. Alors, sur la question de la culture, c'est vrai que là, on a eu vraiment un bad buzz. Et là, une prochaine newsletter qui sera diffusée en ligne lundi après-midi ne sera sera mis sera enregistrée également sur notre site et sera disponible en fonction de l'avancée de nos différents travaux. Parce que, comme je vous l'ai rappelé, il y a une vision de transformer le blog vers un webzine, autant dans l'aspect graphique qu'au niveau du modèle. Et nous voulons un webzine qui incorpore trois éléments majeurs, même quatre. Un, des articles écrits. Deux, des galeries photographiques. 3, des vidéos et 4, les podcasts. Et de telle manière à ce que cela génère une construction réelle de notre projet final, quoi. Et du coup, cela va se traduire mécaniquement par une aspiration progressive vers un modèle professionnel. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut qu'on prenne notre temps. Et que l'on ne fasse pas des projections qui ne sont pas irréalisables. Actuellement, nous avons juste pour ambition de nous transformer et d'agrandir notre équipe afin d'avoir une équipe qui tourne et déposer aussi les statuts de l'association Les Amis de Révolution et Liberté à la préfecture des Yvelines. Et du coup, on va faire une pause et je vais vous expliquer un peu le projet qui sous-entend l'association Les Amis de Révolution et Liberté. À tout de suite. Et donc, après cette petite pause musicale, on a comme projet majeur la structuration d'une association qui se nommerait les Amis de Révolution et Liberté. Donc, cette association, elle s'inscrit comme la base juridique du webzine Révolution et Liberté, mais aussi elle a pour vocation de défendre le fédéralisme intégral. Et pourquoi le fédéralisme intégral et pas le fédéralisme tout court? Alors, il y a une certaine volonté qui est volontaire de créer au sein de notre webzine la défense d'un fédéralisme de bas vers le haut et pas de haut vers le bas. Et cela permet également d'aller vers un régime qui tend vers la démocratie directe. Alors, nous sommes peut-être des idéalistes, des utopistes, mais dans cette course, on va dire, à la question majeure que l'on se pose concernant la protection juridique du webzine, la liberté d'expression, comme on en parlait au début de l'émission, suit tout de même la porte vers l'accès fondamental aux libertés et aux droits naturels. Parce que il faut tout de même rappeler que la liberté d'expression, elle est le fruit d'un long combat et elle n'est pas toujours acquise. Il s'agit d'une conquête majeure que, à l'époque, la bourgeoisie a arrachée à la noblesse. Mais aujourd'hui, il faut maintenant arracher la liberté d'expression à la bourgeoisie, vu que la bourgeoisie, elle s'est, on va dire, enrobée au sein de la noblesse, quoi. On n'a plus la vision telle que nous l'avions avant, mais le fait que les bourgeois tentent progressivement de bâillonner la liberté d'expression tend aussi à bâillonner toute forme de critique. Et ces critiques, d'où qu'elles viennent, lorsque elles s'attaquent à ce que l'on pourrait appeler, grosso modo, l'État, bah, l'État réagit. Et dans notre cas, nous ne sommes pas attaqués à l'État, mais c'est vrai que notre communauté, qui a tout de même 1500 likes, ne faisait absolument pas le poids. Et la question qui demeure importante, c'est de savoir, est-ce que nous referions la même chose concernant d'autres artistes ou d'autres personnalités publiques? Alors, il me semble que on ne va pas se laisser abattre pour autant. On va poursuivre notre travail de fond, parce que finalement, le flux que l'on a eu, bah, s'inscrit dans un article parmi un millier, donc ça représente 0,01% de ce que l'on a pu produire, c'est-à-dire c'est quasiment rien du tout. C'est quasiment rien du tout, mais la trace que le web va garder, elle sera indélébile. Elle sera indélébile parce que Internet, contrairement à d'autres réseaux, on va dire d'autres réseaux, garde une mémoire. Et ainsi, nous construisons, nous essayons du moins de défendre des valeurs progressistes. Et du coup, nous nous inscrivons dans une logique assez claire pour défendre une révolution matérialiste. Alors, on a écrit un article justement sur la question de l'esprit critique. Parce que si je vous parle du droit à la critique, il faut parler également de l'esprit qu'il y a derrière ce droit. Et du coup, on s'est inspiré des libres penseurs qui ont, on peut le dire d'une certaine manière, fait avancer le débat, mais on ne se pose pas dans une stratégie de victimisation. Nous assumons pleinement nos propos, mais nous ne sommes pas des Galilées. Nous ne voulons pas terminer sur le bûcher, même si certains auraient bien aimé nous tondre à la libération, comme on a reçu dans nos messages privés. Et du coup, la stratégie que l'on va adopter maintenant, ça va être une stratégie de rester dans l'actualité et de faire attention à ce que l'on écrit. Et toutefois, de prendre le pouls de se poser les bonnes questions. Et cela demande du travail, puisque écrire un article ne vient pas en claquant des doigts. Il y a de la recherche, il y a de l'écriture, il y a une phase de correction, il y a de la recherche d'images libres de droit pour illustrer les articles. Il y a le fait d'écrire d'une certaine manière pour être le mieux référencé sur le web. Et tout cela a une tendance, a une tendance, si l'on veut, à se mettre dans une dynamique qui permet d'avancer et de progresser. Et chaque mauvais épisode, comme on pourrait le dire, nous permet d'avancer et de prendre en considération les différentes critiques. En effet, nous ne sommes pas fixes, rigides et droits comme une statue. Nous ne sommes pas des conservateurs et nous ne vivons pas dans le passé. Au contraire, il me semble que notre webzine s'inscrit dans une logique matérialiste ancrée vers le futur. Parce que la société passée, qui s'avère être le néolibéralisme, qui est une des formes du capitalisme, bah, nous n'en voulons pas. Et on essaye, on va dire au jour le jour, de décortiquer le capitalisme pour mettre en avant les différents paradoxes. Et on use notre droit à la liberté d'expression et à la liberté de critique concernant tous les articles que l'on rédige. Et c'est vrai qu'on a eu des bad buzz par moment, on a eu des remerciements, comme notre article sur la Commune de Paris, qui a été publié en début mars et mis en ligne le 8 mars, parce que on en avait marre d'attendre longtemps. Alors que bah, tout était prêt. Et justement, on a aussi une communauté qui nous soutient. Alors, c'est vrai qu'elle est petite, mais elle est solidaire. Et cela se traduit par le fait que l'on n'est plus dans une bulle. Au contraire, on essaye, dans le projet de révolution et liberté, d'aller vers les autres, de s'ouvrir et de prendre en cause tous les apports. Tous les apports que l'on peut caractériser comme étant des critiques de fond. En effet, la critique nous permet de progresser, nous permet d'échanger, nous permet également d'avancer. Mais justement, parce que l'on avance dans notre projet, alors, nous nous réalisons progressivement l'aboutissement de ce que nous voulons. Donc, on va faire une pause et on se rejoint tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici entrés dans la dernière partie de notre podcast, qui est un podcast hors série. On va essayer de terminer sur des notes positives afin de montrer que l'ensemble des événements que l'on a vus ces derniers jours ne sont finalement qu'un moyen pour nous faire progresser, mais aussi de nous faire avancer. Et cela s'inscrit également dans la logique constitutive abstraite de voir qu'on peut avancer et que les différentes embûches sur notre chemin, bah, ça apporte du contenu positif. Et de ce fait-là, on est totalement dans une logique, on va dire, plus ou moins réaliste. Donc, actuellement, il faut savoir que nos visites sur le site internet, bah, elles commencent à diminuer et cela veut dire que la stratégie que l'on a mise en place, bah, commence à produire ses effets sur le long terme, que nos visites progressivement sont structurelles et cela créer aussi une autre vision. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Révolution et Liberté, bah, c'est pas un projet pris à l'arrache, quoi. C'est une vision de société qui est développé tous les jours sur le webzine ou au travers des photographies ou même dans le cadre lorsque l'on suivait les manifestations contre les différentes lois gouvernementales. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, le projet avance. Alors, il avance peut-être pas aussi vite que l'on aurait voulu, mais il progresse. Et cette progression, on la constate doucement, mais sûrement. Et de ce fait, notre idéal clairement anticapitaliste et marxiste et matérialiste se construit dans une logique pas de pureté militante, hein, parce que nous n'avons pas des paroles ni même des écrits qui sont synonymes d'évangile. Et là, je pense que le cadre du dernier article que l'on a écrit ces derniers jours concernant le Concordat en Alsace-Moselle, bah, il porte toute son importance. Et de ce fait, le Concordat en Alsace-Moselle, bah, il nous rappelle également un des livres de Bakounine qui s'appelle Dieu et l'État, mais aussi on s'en réfère à Marx qui disait dans un de ses articles que la religion est l'opium du peuple Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opium, on se demande si c'est pas la religion, ou plutôt l'opium en tant que drogue actuelle est une forme de religion comme une autre. Et de ce fait, il ne va pas sans dire que au sein de l'actualité, nous avons écrit aussi un article qui sera disponible après le 1er avril concernant la décision de la Cour de cassation à travers un arrêt à propos de l'affaire des pompiers qui ont violé Julie. Donc, il s'avère que cette position est totalement dénigrante et remet en cause l'ensemble du processus juridique. Et dans cet article, on écrivait que concernant la délinquance sexuelle, ce n'est pas une simple réformette qu'il faut, mais une loi structurelle réformant l'ensemble du processus, que ce soit le code pénal, le code de procédure pénale, l'accompagnement des victimes, mais aussi le fait que lorsque un crime est commis, il soit jugé devant une cour d'assises, alors qu'aujourd'hui, on constate, hein, c'est un fait, que le pouvoir judiciaire a tendance à requalifier les crimes dans des délits. Et le problème, c'est que factuellement, nous avons des peines qui ne sont pas du tout les mêmes, mais aussi le préjudice que subit la victime n'est pas compté de la même façon lorsqu'elle se porte partie civile. Dès lors, il convient de souligner que dans l'affaire de Julie, nous sommes face à une machine infernale qui s'appelle le patriarcat. Et c'est vrai que à un moment donné, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Et si la Cour de cassation émet un tel avis, c'est peut-être que il s'agit de remettre les pieds dedans. Ensuite, comment vous expliquer? On a écrit un article sur l'esprit critique. Et c'est intéressant, hein, parce que au moment où l'on se retrouve au milieu d'une sorte de tsunami, l'esprit critique permet de dégager différents éléments. Et grâce au matérialisme dialectique ou la dialectique marxiste, nous pouvons avoir des éléments de réponse. Et de ce fait, On ne se retrouve pas dans l'ambiguïté. Et du coup, on va terminer ce podcast qui est vraiment improvisé, mais il a le mérite de pouvoir poursuivre les différents travaux qui sont effectués sur le site. Donc, bah, je vous dis à une prochaine et aussi le temps que l'on s'occupe de gérer le site internet, on va réaliser beaucoup plus de podcasts que ces derniers temps. Et après, le 1er avril, on reprendra un rythme normal. Donc, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout du podcast. Et n'oubliez pas, restez avec l'esprit critique. Et surtout, gardez le sang-froid. Ne pas s'isoler dans des bulles. Et aussi, ne pas céder au fanatisme. Allez, à une prochaine.